Voilà. Est-ce que ça va marcher? On y arrive? On y arrive. Et je vois pas Rodrigue. Ah oui, moi je vois Rodrigue. Ah, toi tu as de la chance. Mais est-ce qu'il m'entend, oui. Rodrigue? Salut Claude. Alors maintenant, il faut sans doute mettre les caméras comme il faut. Ouais. Ou alors, il y a une question de débit, je sais pas. Désactiver la vidéo. Donc la mienne, moi, il faut pas que je la désactive. Est-ce que... Bon, Claude, tu es toujours là au niveau du son, en tout cas. Ah, mais je t'entends très bien. Et puis, bon. si c'est est-ce pas que grave. Tu entends, Rodrigue? Si on s'entend. Que tu entends, Rodrigue? Et Rodrigue, est-ce que tu entends, Claude? Bonjour. Je t'entends. Ah, bonjour, Rodrigue. Bonjour, Claude, comment ça va? Eh bien, écoute, moi, ça va bien. Et je suis ravi de faire ta connaissance. Si tu m'y autorises, on va se tutoyer. Bonne idée. D'accord. Bon, comment va la Suisse? La Suisse, tout est blanc ici. Ah. Je peux tourner la caméra pour vous montrer que dehors, il y a de neige, un paquet de neige. D'accord. Mais pour le reste, ça va. Bon, ça c'est va. Bien. Alors, j'ai pas le plaisir de te voir, mais comme j'ai eu un petit médaillon, j'ai vu un joli monsieur avec des cheveux un peu longs, etc. C'est toi, Rodrigue, qui... Philippe. Bon. Non. Alors... Bon. Oui. Alors... Tu ne vois rien? Non, je vois rien, mais c'est pas grave. On va... il vaut mieux qu'on s'entende, que les choses se passent bien entre nous et qu'on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Super. Bon. Alors, bienvenue parmi nous. Je pense que notre ami Philippe t'a brossé un peu le tableau de ce que nous avons fait déjà jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller sur les podcasts que j'ai mis en ligne? Tout à fait. Très bien. J'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est... Ça permet d'aller de l'avant et de se comprendre. De se comprendre. Seulement, moi, je suis seulement encore un inconnu pour vous, alors pour vous deux. Enfin, pas pour Philippe, mais peut-être que si vous le souhaitez, je peux, en quelques mots, encore juste me présenter qui je suis, ce que je fais et tout ce genre de choses. Complètement. Alors, avant, juste par courtoisie, je t'informe que je nous enregistre. Ok. De façon à alimenter notre podcast avec notre enregistrement d'aujourd'hui. Voilà. Ben, tu as champ libre, hein? Tu vas tout chousse. Je vais juste intervenir pour dire que je vais sans doute changer de salle parce que lorsque ma fille va revenir avec ses deux gamins, ça risque de crier un peu dans les micros. D'accord. Donc je vais aller dans ma chambre. Et je suis la chose pendant que Rodrigue parle. Mais je vais bouger. Voilà, d'accord, c'est tout. Tu vas bouger. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, Rodrigue, tu veux nous brosser un petit peu, nous dire qui tu es? D'accord, si tu es d'accord. Et merci pour tout le temps que tu m'accordes, Claude, et d'ailleurs Philippe, évidemment aussi. Je vais vous décrire un petit peu qui je suis. Au niveau privé, je suis moitié suisse, moitié néerlandais. J'ai un nom compliqué néerlandais et j'habite la Suisse depuis 1985. J'ai fait toute ma carrière dans la finance, d'abord dans la banque et maintenant depuis 2003 comme gérant et consultant indépendant. J'ai une famille, je suis marié avec... ma femme est hollandaise, Maike, et nous avons trois enfants qui ont toujours vécu en Suisse. Donc, leur capacité de parler néerlandais n'est pas excellente, mais bon. Ils habitent Bâle et les deux fils habitent Genève. Et moi, je suis dans la situation où je suis en train de terminer mes activités professionnelles. Je suis encore parfois sollicité par cela, étant gérant indépendant pour des personnes privées et pour des fonds de prévoyance, des institutionnels. On me contacte encore pas mal, mais j'ai plus ou moins décidé maintenant de ne plus accepter de mandat pour des fonds de prévoyance ou pour des sociétés de gestion de fortune. Ce que j'ai fait encore jusqu'en mars, où j'ai, pour donner une petite idée, où j'étais CEO d'un multifamily office, c'est-à-dire il y avait 33 familles extrêmement fortunées du Moyen-Orient qui avaient leur club d'investissement, qui avaient leur propre maison de gestion de fortune et qui investissaient dans tout ce qui était un peu farfelu, pas tellement en bourse, mais plutôt directement dans des entreprises, dans des actions non cotées, dans de l'immobilier au niveau mondial. Et j'ai arrêté cette activité en mars puisque ça devenait trop lourd. Il y avait trop d'avocats, trop de règlements, trop de procédures, trop de problèmes. Et avec cette crise du Covid, j'avais aucune envie de voyager. Et je me retrouve ici encore comme gérant indépendant, ce que je vais encore continuer l'année prochaine pour tout finaliser, puisque ce n'est pas évident de mettre fin immédiatement à cette activité. Alors ça, c'est au niveau professionnel. À côté de toute cette histoire d'argent qui, enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un monde qui est devenu très, très compliqué, qui est très pourri aussi. Et j'ai toujours gardé une ligne très droite, honnête et, enfin, éthique. Et ça devient de plus en plus difficile. Et pour cette raison, j'ai, avec quelques amis, créé un lieu à Lausanne, bravo Philippe, un lieu à Lausanne qui s'appelle l'association Point d'eau. C'est un lieu où c'est un centre d'hygiène et de santé, un centre social qui a pris une très grande ampleur maintenant et qui fonctionne toujours, mais je me suis retiré depuis longtemps, où j'ai eu la présidence en bon moment. Et en fait, dans ce centre, on accueille des personnes dans le besoin, des personnes âgées qui ont perdu un peu leur tête, des enfants qui fuient la maison, des drogués, des migrants, des alcooliques, enfin tous ceux qui ont un problème avec la santé et avec l'hygiène. Donc c'est un centre avec des douches et avec toute une série de bénévoles. Il y en a quelque chose maintenant actuellement de 180 bénévoles qui donnent de leur temps au niveau médical. Donc il y a, je crois, maintenant quelque chose comme 4 médecins généralistes, il y a plusieurs dentistes, des psychologues, des ostéopathes, des physiothérapeutes, des infirmières, des podologues, des pédicures, comment dire, enfin tout ce côté-là, et puis naturellement des assistants, et une petite partie est salariée, et une grande partie travaille comme bénévole, pour rien du tout. Et ça a un immense succès, et c'est un des sujets que je voudrais bien aborder avec vous deux, pour voir si ce serait une petite idée de faire quelque chose dans ce domaine. Ce serait aussi intéressant pour Sylvie, il me semble. Grand succès, puisque avec très peu d'argent, on peut faire beaucoup, beaucoup pour ceux qui ont des problèmes. Ah voilà, Claude, je te vois à l'écran. Moi aussi, je te vois. Salut. Ça y est, ça s'est décanté, là. Bon. Alors, ça, c'est au niveau de... Comment dire? Pour contrebalancer le monde pourri d'argent et pour faire du bien à ceux qui en ont vraiment besoin. J'y suis sorti, Mike aussi, qui a beaucoup aidé, ma femme, et je suis très intrigué et fasciné par le projet de Philippe. Évidemment, pour moi, la foi joue un grand rôle, pas spécialement à l'intérieur de l'Église, puisque ces églises ont tellement de problèmes et d'histoires, et que, voilà, je suis encore toujours en contact avec l'Église protestante, J'espère pas que ça te choque, Claude, puisque peut-être tu es catholique, j'en sais rien, ou musulman, mais disons, la foi joue un grand rôle. Et dans ce cadre-là, je lis beaucoup la Bible, enfin, ce sont des choses tout bêtes, il y a un petit livre qui s'appelle « Paroles et textes ». C'est un petit livre que vous connaissez certainement, c'est un petit livre qui... tous les matins, tous les jours, donne quelques textes bibliques avec une petite explication. Et bon, avec la Bible, ça prend 10 minutes, mais qui nous met chaque matin sur le bon chemin avant de penser au petit déjeuner. bon, ce sont des tout petites choses. J'ai été assez actif dans l'Église. Jusqu'à l'année dernière, j'étais encore... conseiller au niveau de conseil de paroisse de notre village. Mais malheureusement, j'ai dû prendre la décision d'y sortir. C'était trop... Il y avait trop de problèmes qui n'avaient plus rien à voir avec la foi. Des jalousies, des irritations. On perdait un temps fou. Et je me suis mis en retrait. Voilà, ça c'est un peu la situation. Je suis plutôt introverti, donc j'ai toujours un peu de peine de parler quand même très ouvertement de la foi. D'autres membres de notre famille, Philippe, ont beaucoup plus de facilité à parler à haute voix et de les prier à haute voix. Ce n'est pas tout à fait mon style. Je suis voilà, plutôt introverti de ce côté-là. Mais ça ne veut pas dire que je vois très bien l'importance dans notre vie de faire un chemin sérieux. Et je suis tout à fait prêt à réfléchir, discuter, voir ce qu'on peut faire. Et pour revenir à Saint-Goustan avec le jardin merveilleux, c'est un concept qui est magnifique, évidemment perturbé pour le moment par ces histoires de Covid. Mais il y a une petite chose que je voudrais vous soumettre. J'ai lu quelques livres de Hermann Hesse. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain suisse qui ne vit plus, mais c'était un philosophe et qui a écrit un livre. Je ne connais pas le titre en français, mais c'est un livre qui décrit. C'est un petit quelques copains comme ça qui partent et qui vont vers le lendemain sans très bien savoir où ils vont, comment ils y vont et comment s'y prendre. Et il y a des discussions très vives de tout genre, culturelles, spirituelles, philosophiques. Mais où est-ce qu'on va? Quelle direction? Pourquoi? Pourquoi pas? Et avec ce jardin merveilleux, j'ai ce côté, disons, je vois ce jardin merveilleux, même si je n'y suis encore jamais été, mais pour y aller, il y a un chemin. Et je pense beaucoup à cet aspect du chemin. Quel chemin prendre pour aller vers ce jardin merveilleux, pour ensuite encore regarder, évidemment, comment le concipier, comment le préparer, comment participer avec vous, avec vous tous, à en faire quelque chose de beau. Enfin, c'est ça ce qui, aujourd'hui, me travaille, c'est ce chemin. C'est comme si je mets mon sac à dos et me dis, voilà, on y va dans cette direction. Je dois encore me détacher un peu de mon travail, mais ça se fait assez facilement. Même s'il y a parfois des urgences, mais ensuite, une fois sur le chemin, avec qui parler, comment y aller, enfin, tout ce côté-là me travaille beaucoup. C'est ce que je voulais vous soumettre. J'espère que je ne vous choque pas. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu as terminé ta présentation ? Oui, voilà, d'accord. En gros, en grande ligne, il y a des choses à dire. Oui, mais ça viendra après. Ça viendra après. Ce côté, juste pour finaliser, ce côté hygiène et santé, j'ai un genre de business plan un projet mis sur papier. Et je pense que, ayant vu tous les aspects que ça donne, les problèmes, les belles choses, ça pourrait être un projet à réaliser par nous, par des tiers. Évidemment, dans mon monde, j'ai des contacts avec des gens qui ont, et des fondations qui ont beaucoup d'argent et qui pourraient peut-être être prêts à financer certains projets qu'on imagine. Pas via Internet, le crowdfunding, même si c'est possible aussi, mais il y a des fondations qui dont leur statut permettent de donner de l'argent et qui pourraient permettre de lancer un projet qui pourrait avoir une assez grande envergure. Peut-être que je vais beaucoup trop loin, mais la Croix-Rouge a commencé aussi comme ça, tout petit, et c'est devenu très grand. Et avec ceci, le succès que ça a, tout en constatant que les personnes qu'ils gèrent maintenant ont de la peine à tenir la stratégie, à ne pas se faire manger par l'État, enfin des choses comme ça, c'est un très gros projet, mais peut-être que c'est beaucoup trop lourd pour nous. On peut l'offrir à quelqu'un d'autre, à voir, à réfléchir. Super tout ça, super. Ben, si tu permets, à mon tour, je vais me présenter. Avec plaisir. Est-ce que Philippe est bien en ligne? Parce que je vois Rodrigue, mais toi, je ne te vois plus. Bon, c'est pas grave, je te connais maintenant. Et, je suis en ligne, mais en fait, je prends des notes. Ah, te voilà. Et oui, bon. C'est ça. Bon. Bon. Maintenant, vas-y, hein, Claude. Eh bien, j'y vais. Alors, je m'appelle Claude Black-Belair. Je suis français, né à Paris en 1948. J'ai donc 71 ans aujourd'hui, ou 72 ans. Ma vie professionnelle, ma vie personnelle, familiale, ça n'a pas été franchement un grand moment parce que j'ai demandé à mon père, à l'âge de 8 ans, à partir en pension, où je me sentais plus à l'aise chez les bons pères que chez moi à la maison où mes deux parents, médecins, bien considérés par leur professionnellement, s'occupaient plus de leurs malades que de leurs enfants. Voilà, donc j'ai eu toute ma jeunesse chez les oratoriens, une jeunesse très très catholique. Très vite émancipé de chez mes parents, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je connais pas mal de pays, j'ai fait beaucoup d'autostop, beaucoup de rencontres de gens formidables. Et qui m'ont donné envie de vivre et de partir à la rencontre des autres. Malgré tout, il faut bien travailler pour vivre. Alors moi, j'ai commencé dans le textile, qui était en déclin, mais on a, avec deux copains, lancé le label Woolmark en France. Et ce qui m'a occasionné une très belle expérience professionnelle, j'avais beaucoup d'argent, et que j'essayais de dépenser au mieux des intérêts de mon entreprise. Et puis là, en 1970-71, après avoir fait mon service militaire, donc je rentre dans le textile, je travaille à la Woolmark. Et ensuite, je quitte la Woolmark pour prendre une année sabbatique. Une année sabbatique à 25 ans, quoi. C'était pas mal. Mais cette année sabbatique, elle s'est vite raccourcie parce que j'ai commencé à m'ennuyer et donc je suis rentré dans le bâtiment. J'ai donc quitté le textile pour rentrer dans le bâtiment. Et notamment dans la vente des matériaux. Alors là, j'ai appris le métier. J'étais coaché par de bons professionnels qui m'ont appris le métier Et puis, comme j'avais un peu envie de grandir, j'ai racheté leurs entreprises. Et puis, tout ça m'a amené après à continuer dans le milieu du négoce en matériaux de construction. Et après avoir géré des affaires en nom propre, j'ai contribué à animer des hommes. À animer des hommes dans un réseau de négociants en matériaux de construction qui s'appelait Big Mat, qui s'appelle toujours Big Mat d'ailleurs. Et là, j'ai aussi vécu une très belle expérience parce que j'animais une quarantaine de points de vente et j'étais responsable de ces points de vente dans leur gestion et dans leurs finances et dans la gestion des hommes, et l'humain m'intéresse plus que tout. Parallèlement à ça, je suis rentré en franc-maçonnerie dans les années 80. J'en suis ressorti dans les années 2000, après m'être fâché, comme toi, Roderick, avec la finance et le mauvais usage de notre argent, eh bien, en franc-maçonnerie, j'ai rencontré des gens formidables, mais des gens qui détruisaient aussi ce merveilleux système de pensée qu'étaient les loges maçonniques. Voilà, après, retraite. Retraite à l'âge de 61 ans. Et puis, j'ai rencontré Michaela, ma compagne. Il faudra qu'un jour, on fasse avec nos épouses une petite réunion ou un petit truc tous ensemble. Ma compagne qui s'appelle Michaela, qui est née à Munich, qui est citoyenne du monde parce qu'elle a vécu aux États-Unis, elle a vécu en Bolivie, et puis elle est arrivée en France dans les années 70. Et on s'est mariés là, et nous rencontrés après qu'elle ait divorcé. Nous nous sommes rencontrés en 2002. Voilà, et depuis 2002, nous voyageons la France, mais en sens inverse. Les Français vont généralement du nord pour s'installer au sud, au soleil. Nous, eh bien, on marche en sens inverse. On a quitté le sud après 30 ans passés là-bas pour nous retrouver ici, aujourd'hui, dans le Morbihan, en Bretagne, avec une petite maison à Quiberon, au bord de la mer, et puis un appartement ici, à Aurède, une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Quiberon. Nous sommes installés là pour nos quartiers d'hiver, sachant que l'été, nous rejoignons notre petite maison de Quiberon, où on est les pieds dans l'eau. Voilà, que te dire, Roderick? Eh bien, moi, j'ai noté des tas de choses intéressantes dans ce que tu m'as dit. Cette association que tu aimerais... développer, qui me paraît intéressante, il faudra qu'on aille un petit peu plus loin. La foi, tu te dis introverti dans la foi, eh bien, écoute, t'es pas le seul. on aura l'occasion d'en reparler. Tu lis la Bible, moi j'ai toujours eu du mal à rentrer dans ce grand livre, et j'ai sur ma table aujourd'hui le dictionnaire de la Bible pour... répondre à toutes les bonnes questions sur lesquelles nous travaillons avec Philippe et maintenant avec toi. Donc, alors, je fais une petite coupure là pour dire que je vais, si tu le veux bien, Roderick, te présenter un petit peu la philosophie générale de nos rencontres. Le pourquoi et le comment. Est-ce que ça te va? Tout à fait. Est-ce que, juste une toute petite question, est-ce que vous connaissez déjà depuis longtemps? Alors, justement, j'allais commencer par là. Philippe, je l'ai connu début 2019. Nous avons eu l'occasion de l'héberger avec Sylvie, tandis qu'il venait travailler à son jardin. Et là, ça a été l'occasion pour nous de nous rencontrer, de faire un très joli dîner ensemble, où il m'a convaincu de travailler sur le jardin merveilleux. Alors, c'est là où nous sommes connus. Très rapidement, nous en sommes venus, grâce au confinement, à nous retrouver sur Skype. Et là, d'échanger très librement, au rythme d'environ 2 heures par semaine, généralement le jeudi, mais ça peut être le mardi. Bon, voilà, il faut qu'on fasse en fonction de nos disponibilités. Et donc, nous avons échangé. Et au cours de cet échange, je me suis aperçu que Philippe avait, me semble-t-il, et s'il n'est pas d'accord, il nous le dira, avait, me semble-t-il, besoin de parler de son jardin merveilleux et de le voir grandir, de le voir grandir spirituellement parlant, de voir grandir un jardin et par une spiritualité, l'amener sur le chemin du merveilleux. Donc là, Roderick, nos parcours se rejoignent tout à fait. On est bien en phase, on est tous bien en phase dans ce domaine. Le jardin est un prétexte, hein, pour apprendre à maîtriser notre spiritualité, à mieux nous comprendre ensemble, pour mieux se rapprocher du divin, se rapprocher dans une foi qui est propre à chacun. Tu me demandais si j'étais choqué par le fait que tu sois protestant. Absolument pas. Je connais mal la religion protestante, bien sûr dans ses grands principes, oui, mais bon, dans les détails, je la connais mal. J'ai compris à travers Philippe que cette religion protestante, eh bien, avait elle aussi des soucis. Bon, ce sont des hommes, hein, et les hommes, dès que tu les rassembles, eh bien, souvent, ça crée des difficultés. Tu nous en as parlé, tu nous as parlé d'Étienne tout à l'heure. Et donc, banco pour tout ça. Et il faut que nos expériences personnelles, nos foi personnelles, nous permettent de nous retrouver. De nous retrouver de bonne façon, dans un esprit d'amitié, dans un esprit de solidarité, dans un esprit de compréhension de l'autre, qui nous permet de mieux nous rapprocher et de mieux grandir ensemble vers le merveilleux. Voilà un petit peu comment nous nous retrouvons aujourd'hui. Je rajouterai que depuis quelque temps, nous avons des thèmes de travail. Ces thèmes de travail, je pense que Philippe te les a envoyés. Nous avons travaillé sur « Doit-on orienter le jardin merveilleux ?» Ça, c'est notre dernier travail. « L'arbre de vie en rapport avec le jardin merveilleux ?» Les sources d'eau vive en rapport toujours avec le jardin merveilleux. Le jardin d'Éden est-il le prémisse du jardin merveilleux? Et en fin de compte, ce jardin, et ça a été notre premier travail, était-il suspendu? Voilà. Là, et ça, ce dernier travail remontait au mois d'octobre, le 9 octobre 2020. Voilà. Donc, je t'ai tout dit, tout ce qui me vient à l'esprit, et puis surtout ce qu'il nous reste à dire et qui va nous permettre de grandir ensemble. Oh, je te remercie beaucoup. Intéressant. Et toi, Philippe, tu as des choses à dire que tu n'as pas dites déjà? Mais jusqu'à présent, je n'ai rien dit, à part est-ce que vos caméras fonctionnent et est-ce qu'on se voit. Moi, je te vois quand tu parles. Ah, mais quand ça. Tu ne parles pas, je vois Roderick. Ah, voilà. Parce que, oui, bah, c'est très bien. Alors, faut-il que je fasse le troisième à me présenter? Je vais le faire très rapidement. Hein. Moi, j'ai été que 10 ans dans le secteur privé en tant que responsable d'une petite d'un bureau d'études qui a eu jusqu'à 8 salariés et avec lequel je me suis cassé la figure à un moment parce que en fait j'avais mis tous les œufs dans le même panier et que ce panier s'est écroulé. C'est-à-dire que tous mes clients étaient publics et qu'à un moment la conjonction des élections ont fait que toutes les commandes ont été gelées pendant 8 mois. Payer 8 personnes pendant 8 mois, rien foutre, c'est pas possible. Voilà. Donc, là, j'ai mis la clé sous la porte. Avant, j'étais professeur. J'étais sorti pour créer l'entreprise. Je suis redevenu professeur après, avec cette expérience privée. Et c'est une expérience que je voulais. Et je suis très fier de l'avoir faite, même, de m'être cassé la figure, parce qu'au moins je peux en parler. Que ceux qui ne se sont pas cassés la figure, ils ne peuvent pas en parler. Ils ne savent pas ce que c'est. Quand on racle les fonds de caisse et que vous avez une ambiance de fou à la maison, parce qu'on on reçoit des dettes, des machins qui arrivent de tous les côtés, c'est une expérience que beaucoup sont en train de vivre avec le Covid, parce qu'il y a beaucoup qui se cassent la figure en ce moment. J'ai connu ce que c'était. Et en dehors de ça, quand je suis revenu dans l'enseignement, j'avais une expérience et une autorité avérée, puisque je pouvais parler et du public et du privé, avec connaissance de cause, ce qui fait que j'étais devenu très intéressant pour les élèves qui recherchaient un peu à mes cours, quoi. Et par contre, embêtant pour les collègues, parce que justement, ils racontaient des trucs qui étaient très souvent à l'envers de ce que moi je disais. Les miennes étant vécues et les leurs étant récoltées ici et là. Donc, ça chauffait un peu partout. Sauf de la part des collègues, il y avait des collègues dedans qui étaient aussi professionnels et qui comprenaient très très bien ce genre de choses. Par contre, les professeurs qui étaient passés en fait de leur vie d'étudiant à la vie de professeur, c'est-à-dire n'avaient jamais connu le privé, raconter des choses qui étaient complètement à côté. Bon, ce qui fait que, en fait, à un moment, je me suis dit, je peux me lancer dans des projets. J'ai commencé à faire des projets européens, des projets, au niveau du lycée où j'étais, et puis ensuite des projets européens. Et puis, en fait, après ça, on est venu me chercher, même dans le public, pour remonter, une section qui était en chute libre dans un lycée agricole. C'est le dernier que j'ai fait. Et non seulement j'ai remonté la section, mais en plus, j'ai créé un bâtiment spécial pour cette section, et qui maintenant, quand j'y étais, en fait, on était passé d'un effectif de 12, on est actuellement à un effectif, quand j'y étais, on était monté à un effectif de 2 sections, totalisant 45 à 50 étudiants. Et quand je suis parti, ils sont retombés à 15. En fait, ils ne recrutaient plus. Alors, c'était un peu casse-pied. D'ailleurs, ils sont un peu dans la panade actuellement. J'ai essayé de les recontacter parce que j'ai laissé beaucoup de matériel là d'où je suis parti en leur disant « Vous allez en avoir besoin ». Mais en fait, j'ai l'impression que ça... La dernière fois que j'y suis passé, parce que je passais devant en voiture, j'ai rencontré un de mes anciens collègues. Il m'a dit « Regarde, rien n'a bougé depuis que tu es parti ». Il n'y a rien de plus, si ce n'est qu'en fait, on est passé de 45 élèves à 15. Voilà. Donc, c'est un peu une cata de leur côté. Mais ils étaient prévenus. C'est ça le problème pour eux, c'est qu'ils étaient prévenus. Ça me fait toujours penser à... que tu as connu aussi, Rodrigue, que tous les parents ont connu. Ou quand vous élevez des enfants, quand tu dis aux enfants... Attention, sur ce chemin-là, tu vas droit dans le mur. Et tu as l'ado qui te répond. Ouais. Tout de suite, il se rebiffe. Il continue, parce que justement, l'autorité de père veut qu'on aille contre. Voilà. Ils vont dans le mur. Et puis ensuite, on revient derrière en disant Et tu vois, je t'avais quand même prévenu. Et hop, c'est pareil. En fait, on ne supporte pas. C'est en fait une espèce de réaction qu'on retrouve, y compris dans les équipes, que avec lesquels j'ai travaillé. Des personnes, en fait, qui ne supportent pas qu'on leur dise « attention, ça va pas » ou « et je te l'avais prévenu, quoi ». Bon. Oui. Je sais pas, enfin, bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, j'écoute. Mais quel succès que tu as eu d'être à 45 De remonter tout ça, c'était bien, mais je voyais en même temps cette espèce de... Bah, c'est de la jalousie, en fait. C'est cette espèce de jalousie de collègues qui, en fait, ne supportaient pas qu'on réussisse là où ils avaient échoué. Et ça, c'est super embêtant. Et quand tu as des collègues qui sont... Moi, je les qualifiais auprès de Sylvie comme des éléphants, c'est-à-dire qui sont installés depuis des années avec des privilèges et des us et coutumes qu'ils ne veulent pas lâcher, donc qui ont peur pour ces privilèges et ces us et coutumes qui les servent, parce qu'en fait, on a mobilisé d'autres voies. C'est, d'un côté, c'est réjouissant, et de l'autre côté, c'est attristant. Voilà. Et c'est un peu... C'est un peu ça qui a fait germer depuis quelques années en mon esprit cette idée de jardin merveilleux. Est-ce qu'on peut arriver à avancer en toute confiance sans avoir systématiquement cette obligation de défiance ? C'est-à-dire que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse un pas avant toi, est-ce qu'on peut le supporter ? Voilà. Toi, tu fais un pas, ça marche pas. Toi, et l'autre à côté, il fait un pas, ça marche. On veut retrouver un petit peu cette espèce d'opposition qu'il y a entre... vous avez peut-être lu les Mickey, la revue Mickey, où il y avait cette opposition entre Donald Duck, l'éternel malchanceux, et puis Gontran, celui à qui la chance sourit tout le temps, partout. Et c'est vrai que c'est pénible, cette espèce d'opposition... Mais moi, la chance ne m'a pas souri. C'est-à-dire, je montrais une nouvelle voie. Le problème, c'est que cette nouvelle voie remettait en question des habitudes. Et ça, c'est... Partout, ça passe pas. Je m'attends à les rencontrer encore dans la question du jardin merveilleux. Mais, je dirais, il y en a qui, comme vous, en fait, qui disent, mais on peut avancer. Et les trois enfants du jardin auxquels on a racheté cette parcelle pour 1 € symbolique, ils y ont cru. Ils ont dit, ben voilà, nous on n'en fait rien, on aurait pu la vendre, on ne l'a pas vendue. À l'époque, quand elle était vendable, elle valait 270 000 euros. Et puis après ça, il y a les réglementations qui sont tombées et qui l'ont rendue invendable. Ils ont vu les années passées et les soucis de santé. Et ils ont dit, ben... Si vous pouvez faire quelque chose de merveilleux avec ça, on vient avec vous. Voilà. Et ça, ça a été pour moi la porte ouverte, tu vois, Claude, quand on a parlé de la dernière fois du jardin, pas celle du jardin d'Éden, c'était ton triptyque là, où en fait il y a des portes dedans. Ah. Et là, tout d'un coup, il y a une porte qui s'est ouverte. Elle est à Auray, ce qui est de façon complètement absurde par rapport à l'endroit où on vit, puisqu'on est à Strasbourg, on est à l'autre bout. Ouais. Mais c'est là qu'elle s'ouvre. Alors, je suis désolé, mais moi, je vais là où les portes sont ouvertes. J'ai passé mon temps à me m'éreinter à ouvrir des portes à des endroits où, en fait, personne ne voulait qu'on les ouvre. Voilà. En gros, c'est ça. Magnifique. Excellent, excellent. Ah, je ne sais pas du tout ça. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Philippe ? Ben, je suis un peu comme toi. Je veux dire, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse, c'est le futur. Voilà. C'est ce qui m'intéresse avec Rodrigue, c'est le fameux chemin. Et c'est vrai qu'on a commencé à le travailler, ce chemin, avec Claude, depuis un moment, parce que c'est vraiment ça qui nous manque. Il y a un aspect que... Je vais vous lire un texte que j'ai conçu juste avant cette rencontre et que j'avais prévu, que j'ai envoyé à Daniel aussi, Daniel Martin, qui est une collègue qui a aussi besoin d'un chemin. Et c'est elle qui se manifeste, qui s'est manifestée à la suite de mon dernier envoi. Et elle le comprend, et je pense que vous allez le comprendre. Elle parle de frugalité heureuse, cité intelligente, jardin égal paradis. Bon, y a de quoi discuter. Excellent. Alors, voilà qui résume un peu ma position. Jardin merveilleux n'est pas du travail pour moi, dans la mesure où c'est le chemin où l'homme va quitter cette courbe de progression en cloche que vous connaissez, hein, c'est la fameuse courbe de Gauss, là, où on monte et puis ensuite ça descend, caractérisant entre autres la vie en notre civilisation centrée sur la période productive. On quitte ce chemin pour rejoindre celle de la progression dans la sagesse, l'amour et la foi tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la vie, ce n'est pas une déchéance, mais une apothéose. Le reste n'est que conséquences et fruits et effets collatéraux qui vont se révéler dans ce jardin merveilleux. J'ai passé la majorité de mon temps de vie, c'est-à-dire 63 ans, je suis rentré à 62 ans à la retraite, donc l'année dernière, j'ai passé la majorité de mon temps de vie à travailler sur ces conséquences parce que c'était ça qui nous était demandé par la société, alors que mon cœur et mon esprit étaient convaincus qu'il fallait remonter à la source, la cause, à l'esprit qui fait vivre. Maintenant, en prenant ma retraite, je suis en accord, corps et esprit, avec cette autre dynamique, autrement plus joyeuse et ouverte sur un futur enviable, et qui n'a rien à voir avec la précédente. La fameuse rupture dont qui est très chère à Claude. Jardin merveilleux, c'est le chemin pédagogique à mettre en place pour passer de l'un à l'autre. Il est forcément chargé de vision, car si nous savons à peu près où nous sommes, là où nous devons aller nécessite clairvoyance et réceptivité. Voilà. Merci, merci de cette ouverture. Et André, tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à l'intervention de Philippe ? Ah non, mais je trouve ça magnifique. Bon. Magnifique. Alors, et je suis enthousiaste. Bon. Alors, on va continuer, si tu le permets, à te permettre de mieux nous rejoindre, de nous amener dans une attitude que j'appellerais l'égrégore. Est-ce que tu connais ce mot, égrégore ? Non. Ouais, l'égrégore, tu regarderas dans le dictionnaire, ça, c'est si tu le trouves, ce n'est pas forcément quelque chose qui apparaît immédiatement. L'égrégore, c'est la capacité que l'on a de mettre les hommes et les femmes ensemble pour qu'ils communient dans un esprit plein de spiritualité. Ok. Alors, donc, là, Philippe, à sa façon, et régulièrement, il aime bien... il aime la tradition écrite, Philippe. Moi, je préfère la tradition orale. Alors, ça a un inconvénient, c'est que lorsque c'est oral, ben, on peut oublier. Et c'est pour ça que j'enregistre et que je fais des podcasts. Et puis aussi pour laisser une petite trace à qui voudra bien les entendre. Là, Philippe, à sa façon, il vient de nous faire un ascenseur. Un ascenseur qui va nous permettre de quitter le jardin sur un chemin qui va nous transcender vers le merveilleux. Le tout, c'est d'être ensemble. Être ensemble, ça nous permet de gagner du temps. Et le fait d'être sur Skype, par exemple, tu vois, je te vois là, Rodrigue, la prochaine fois, tu arrangeras ton éclairage, tu verras, parce que là, tu as toute une face claire. Voilà. Ah, ben là, je te vois vraiment bien. Voilà, c'est voilà. Bien. Voilà. Bon. Et donc, malgré le fait qu'on soit à distance, je pense que l'électronique et le numérique nous permettent de raccourcir ces distances. Je pense que lorsque je te vois et que je te parle droit dans les yeux et que je vois toute l'attention et toute la capacité d'écoute que tu as, et bien, ça va nous permettre de bien avancer ensemble. Cette réunion d'aujourd'hui, c'était pour te permettre de monter dans l'ascenseur, quoi. Et de nous rejoindre et de gagner du temps. Bon, alors on utilise des moyens numériques, c'est pas très empreint de spiritualité, mais il faut savoir utiliser les outils et les faire nôtres pour se les approprier et nous permettre de grandir ensemble. Voilà la voie sur laquelle nous travaillons et avec Philippe, mais aujourd'hui tu nous rejoins et tu vas nous permettre de peut-être élargir ce chemin de crête sur lequel nous sommes, un chemin étroit, si tu veux, parce que le merveilleux, ça se mérite. Donc, on est sur un chemin de crête, et toi, qui habites pas loin des montagnes, tu sais bien de quoi je parle, et nous sommes en équilibre. Quand on fait un pas devant l'autre, eh bien, à un moment donné, lorsqu'on soulève notre jambe droite ou notre jambe gauche pour avancer, si on nous poussait latéralement, eh bien, on tomberait. Donc, ouais. Ce cheminement-là, qui est un cheminement pas à pas, step by step, qui va nous permettre à la fois de nous rejoindre pour entrer dans une communion spirituelle de moyens, mais de moyens qui soient au-delà de notre quotidien vicié et parfois vicieux. Voilà, donc... c'est là où on voudrait aller avec toi, que tu apportes ta pierre à l'édifice aussi, hein, parce qu'on a besoin là de grandir un peu ensemble, mais on ne veut pas aller trop vite. Il faut qu'on soit tous bien en phase, de façon à atteindre cet état d'égrégore dont je parlais tout à l'heure, et qui va nous permettre, eh bien... d'avancer de concert. Il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage entre nous. On a une vision qui va être de plus en plus large. Plus on va grandir dans notre groupe, plus on va avoir une vision large. Mais il faut qu'on avance en même temps, quoi. Il faut qu'on soit ou pas, quoi. Et on ne veut pas de décalage entre nous. Et si tu avais la moindre gêne, Roderick, si tu avais la moindre gêne, tu n'hésites pas à nous le dire. Oh. Et de toute façon, tu le sais maintenant, hein, voilà une petite heure qu'on passe ensemble, tu le sais maintenant, tu es le bienvenu, tu es chez toi dans le jardin, et ce jardin, eh ben, on va le construire ensemble. Oh, c'est sympa, mais ça me fait très plaisir. Ensemble, on est toujours aussi plus fort, et on peut se réconforter. Et je pense que c'est une très bonne idée, puisque faire ça individuellement, ça a ses limites aussi. Mais le chemin est intéressant, puisqu'on ne voit pas très bien encore où il va mener, par quelle pente, par quelle crête, par quelle forêt. Est-ce qu'il faut emmener comme bagage? Est-ce qu'il faut un sac à dos vide ou presque vide? Ou est-ce qu'il faut se préparer à un long chemin? Enfin, que des questions. Mais je serais ravi de faire ça avec vous deux, tous les deux. Merci à toi. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu travaillais la Bible, tu nous as parlé également d'un monsieur qui s'appelait Essel, pour aller vers un lendemain et dans quelle direction, etc. Tu peux nous parler un petit peu de cet auteur-là, Essel? S, ça s'écrit H-E-S-S-E. Ah ouais, S, d'accord, j'avais mis un L, mais on va l'enlever. Voilà, d'accord. Il ne vit plus. Il était très lu, étonnamment, durant les années 68, puisque il faisait rêver. Mais il a écrit un ou deux livres très intéressants. C'est un mélimélot d'aspects culturels, philosophiques, spiritualité, les questions de la vie, mais aussi la philosophie en Inde. Enfin, c'est un mélange assez intéressant. Je ne crois pas qu'il a gagné un prix Nobel ou je ne sais pas quoi, mais il est assez, comment dire, il est resté assez rêveur et en même temps révolutionnaire. mais je vais vous envoyer un lien, mais je peux aussi vous envoyer des livres. Il y a quelques livres qui sont très connus, qui s'appellent Siddhartha, l'autre c'est Narcisse et Goldmund. Il écrivait en allemand, et tout ça, ça a été traduit. Tu parles mais de Siddhartha, c'est... tu t'es intéressé au bouddhisme ? On s'est intéressé au bouddhisme aussi, oui. Donc il a un esprit très large et il parle pas du tout des églises, mais un tas de réflexions, des discussions qui moi en tout cas m'ont fait beaucoup réfléchir et c'est juste intéressant. Il y a aussi du n'importe quoi comme toujours partout, mais je vais vous envoyer un lien où je vais vous envoyer quelque chose à ce sujet. Et il a donc écrit un livre où quelques amis partent vers le pays du matin, ça s'appelle, le pays du matin. Alors, ils sont enthousiastes, ils partent, mais ils ne savent absolument pas où ils vont, sous quelles conditions, qui va les joindre, s'ils vont se disputer, s'il y aura plusieurs chemins, et... Enfin, c'est un tout petit peu le sentiment que j'ai maintenant. C'est une belle aventure qui commence, mais on ne sait absolument pas encore comment on va y arriver. Et c'est ça qui est pétillant. C'est pas bien, je pense, de tout planifier de A à Z, de savoir où on va, mais c'est une aventure, en fait. Complètement, complètement. Tout. Et, voyez ça. Et je vais rajouter, si tu veux, que... Et te prendre au mot à travers cet auteur, quand on t'écoute, tu dis, voilà, il propose de partir, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que le prix de la liberté, il est là. Est-ce que nous sommes capables de sortir de notre gang qui nous enferme dans des problèmes qui nous compliquent la vie ? Donc, il faut se rendre libre. Et pour se rendre libre, il faut sortir de cette gang. Il faut un peu, tu sais, comme une pelure d'oignon et enlever les pelures pour arriver à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est chacun de nous. Mais cet essentiel, c'est aussi un essentiel de partage. Chacun de nous individuellement, tu l'as dit tout à l'heure, bon, ça a ses limites. Mais si ensemble, comme on est en train de faire là maintenant, on peut ouvrir une voie vers une sorte de tremplin qui va nous emmener vers le merveilleux qu'on ne connaît pas, que on peut avoir des idées, etc. Mais le fait d'être ensemble et le fait de partager, eh bien, ça va nous permettre encore une fois de bien grandir et d'être libre. Ce qui est ça qui est un élément important, c'est que ce chemin vers le merveilleux est un chemin de liberté. Et la liberté, ça se construit, ça se mérite. C'est très difficile. Les chemins de liberté sont très difficiles, mais une fois qu'on commence à les sentir, qu'on commence à les frôler, frôler la liberté, c'est frôler le divin. T'es sur ton tremplin, là, tu t'envoles. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça, c'est, j'en reviens à mon mot d'égrégore, parce que c'est quelque chose auquel je tiens, et ça, ça va nous permettre de partager de très belles choses ensemble. Le mot d'égrégore s'écrit comment ? C'est E-G-O-R ? Je l'ai écrit, je l'ai envoyé sur les messages. Ah oui, il faut ouvrir les messages, si vous voulez le lire. D'accord. Sur les messages de Skype, hein. De Skype. Vous avez un petit machin où il y a un petit machin de message et quand vous appuyez dessus, toc, il y a une colonne qui s'ouvre avec les messages. Ah, je vois ça. Je n'ai pas trouvé, moi. J'ai déjà qu'un demi-Skype. Il n'y a que celui qui parle que je vois. Vous me voyez, vous ? Tu me vois, toi ? Moi, je vois les deux. Avec, c'est formidable. J'ai jamais pu régler mon Skype et pourtant je fais des réunions très souvent avec et avec 7 ou 8 personnes, mais je vois toujours celui qui parle mais pas les autres. Bah. Mais c'est le principal, parce que c'est ça qui est... Ah, te voilà Philippe, t'arrives, je t'ai trouvé, rejoindre la... Je crois surtout que dans ces, le Skype, en fait, véhicule énormément de bits. Et donc, c'est en fonction de la vitesse d'arrivée et de départ qu'on arrive à avoir les uns et les autres. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, je parle, ça charge en son, et du coup, Skype décroche une ou deux images, parce qu'il ne peut pas gérer tout à la fois. Voilà le truc. Ah. Et ça dépend aussi de l'endroit où on est. C'est ça, oui, ça dépend de la bande passante que t'offre ta Livebox, ta box. Et là, grâce à toi, eh bien, j'ai vu mon égrégore apparaître. Je te vois toi et je vois en même temps notre ami Roderick. Formidable, formidable. Et en tout cas, l'image de Roderick est bien meilleure que la tienne, Philippe. Hein. Ah, X, tu veux. Il faut faire la mise en scène. Il faut faire la mise en scène. Bon, allez, je plaisante. Bon, alors. Ça va mieux, Roderick ? Tu comprends dans quoi tu... Oui, absolument. Et Claude, je vois très bien la contradiction entre la liberté et l'enthousiasme. Et en même temps, ce n'est pas évident, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On sait, en fait, où on aimerait aller, mais en même temps, on ne sait pas. Oui, comment expliquer ? Non, mais c'est très clair ce que tu dis. C'est parfaitement inconnu. Et non, mais tout va très bien. T'inquiète pas. T'es bien sur le chemin avec nous, là. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas bien où on va, nous, non plus. Mais on y va. Mais il faut se construire. Je pense que, je le disais à Philippe, là, nos toutes dernières réunions ont été pour moi des grands moments de bonheur. Parce que dans cet échange simple, quand tu es deux, tu échanges plus facilement qu'à trois, et etc. Mais dans cet échange-là, eh bien, j'ai compris Philippe. Je voyais sur son visage, parce que c'est ça la chance du numérique, de voir le visage, et sur son visage, eh bien, on se comprenait, on avait même presque plus besoin de parler. Voilà. Et toi, je vois, Roderick, que quand tu hoches la tête comme ça, comme tu fais, et que tu intègres notre petite réunion et que tu t'y sens bien, eh bien, c'est ça l'important. Hein ? C'est tout à fait ça. Je ressens un grand challenge, à vrai dire, aussi. D'accord. C'est ça qui est pétillant, n'est-ce pas? C'est ça qui... On est au début et alors ça... Je pense que chez vous deux aussi, ça doit bouillonner, ça... C'est un grand moment d'apaisement. Attitude aussi. C'est notre travail. Quand on travaille maintenant, en tout cas pour moi, ben ça me rappelle de bons souvenirs... dans les loges maçonniques, mais ça me rappelle aussi maintenant que dans ces derniers moments vers cette ultime initiation que l'on peut appeler la mort, eh bien, dans ce cheminement-là, eh ben, je veux être bien. Et je veux avoir avec moi des gens qui se sentent bien et qu'on puisse communier ensemble et partager tout ce qu'on a à se dire. Et nos travaux, on va en définir un pour la prochaine fois, on va définir aussi la date, et nos travaux nous permettent de parfaire encore à la fois notre chemin personnel, notre chemin en commun, et puis... je pense qu'avec trois, eh ben, on va avancer un peu mieux que tout seul ou nous deux. Hein ? Absolument, absolument. Oui, alors, là-dedans, il y a... Mais comme tu disais, il y a un challenge. Pourquoi ? Parce que sur le jardin merveilleux, j'ai touché pas mal de gens. Actuellement, le dernier message que j'ai envoyé, je l'envoie encore en copie cachée. C'est-à-dire que vous recevez, mais vous ne savez pas à qui je l'envoie. Il y a un moment, j'ai envoyé en copie non cachée. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais c'est surtout que ça peut gêner. Ça a gêné une personne qui m'a dit « Ah, ben j'ai retrouvé dedans quelqu'un que je n'aimais pas. » Et du coup, il est sorti. Bon. Donc, ça n'aide pas, ce genre de choses. Pour l'instant, en fait, nous trois, nous pouvons être en copie cachée, en copie, tout simplement destinataire. Il y en a d'autres, en fait, qui sont aussi très partants, mais qui sont pas qui sont sur un chemin parallèle au nôtre, qui est un chemin le chemin des mains. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent s'investir dedans, ils voient ce terrain, ils ont une vision déjà géographique, ils ont des choses à penser au niveau aménagement, paysager, voilà. Ils sont très intéressés par ça. Et ils sont en attente. En ce moment, ils sont en attente. Mais ils ont confiance en nous. Maintenant que j'ai bien déclaré, que j'ai mis sur le web qu'il y avait ce jardin intérieur qui était en train de se créer, ils ont confiance qu'on va vers la bonne solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation. Même si les lianes poussent, le lierre pousse et tout ça, ça ne gêne pas. Ça ne gêne absolument pas. Et qu'il y a un moment où ça va sortir. Comme est sorti ce printemps un massif de bois de senteur qui était sublime et devant lequel j'ai pu jouer du violoncelle. Bon. Et c'était une surprise, ce genre de choses. Je ne savais pas que j'avais ça sur le terrain, mais en fait, ça n'y était pas. C'est le voisin qui me l'a donné malgré lui. Parce qu'en fait, il a semé des pois de senteur chez lui, et en fait, comme il y avait du vent, c'est venu chez moi. C'est lui qui m'a avoué ça, il m'a dit, bah oui, mais chez moi, t'as vu, j'ai 3 pieds, et chez toi, t'en as 60. Voilà, bon, c'est comme ça. Et pourtant, c'est compliqué de faire pousser les pois de senteur, tout ça, mais c'est venu tout seul, apparemment. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Philippe, autant, dans un premier temps, nous avons parlé du spéculatif, du spirituel, autant là, Philippe nous ramène sur le plancher des vaches avec de l'opératif. Et l'idée, c'est de mettre en symbiose cette spiritualité et de la retraduire opérativement sur le terrain. Pour ma part, c'est compliqué parce que je n'ai pas l'âme d'un jardinier. Mettre les mains dans la terre est trop basse pour moi. Et c'est pas mon truc, entre guillemets. Mais Philippe est là pour raccrocher tout ce qui se dit et le rendre concret sur le terrain. Et ce faisant, c'est une bonne chose parce que ça permet de traduire cette réflexion un peu plus spirituelle, de la traduire sur le terrain et de la rendre accessible aux autres. Parce que toute la vraie bonne difficulté, c'est d'être dans le partage. Et le partage, si tu veux avancer, il faut être partagé. Quand tu es seul, tu n'as personne avec qui partager, tu n'avances pas. À deux, à trois, on va pouvoir partager. Mais ce partage, il doit pouvoir s'élargir et sur le terrain, se traduire dans les faits. Alors, sur le terrain, pour ma part, moi qui n'y ai pas travaillé, j'ai regardé Philippe faire, il fait ça tellement bien qu'on va le laisser là-dessus. Mais il y a une chose qui me paraît importante, c'est d'être capable de rentrer sur le terrain. Oui. Sur le terrain, pour y rentrer, il faut qu'il y ait un rite de passage. Il faut qu'il y ait un changement d'état. Il faut que... Oui. Celui qui y rentre, eh bien, soit propulsé vers le merveilleux, quoi, et lui permette de grandir, quoi. Donc, ce rite de passage, à mon sens, il faut travailler dessus. On a un peu commencé dans les contours, à savoir comment on orientait le terrain, etc., etc. On n'a pas forcément trouvé de réponse, mais puisque tu as écouté nos podcasts, tu as pu avoir l'échange que nous avons fait. Mais à mon sens, il faut rentrer sur le terrain. Alors, il y a un grand débat. Philippe dit, voilà, on va rentrer par le bas. À mon sens, c'est le plus difficile, mais c'est le plus logique, parce que Philippe veut travailler en élévation. Et à partir de là, eh bien, il va falloir se donner les moyens de passer du bas en haut. Et alors que naturellement, quand tu connais un petit peu ce jardin, tu rentres par le haut, parce qu'il y a une porte. Bon, voilà. Bon. Alors, voilà où on en est, pour où j'en suis, moi. C'est mon humble avis sur la façon d'aborder opérativement ce jardin. Alors, je vais rajouter quelque chose, puisque, en fait, on a avancé un petit peu, puisque tu es intéressé pour la question de jardin. Le propos de Claude, et c'est un peu l'intérêt de cette discussion, c'est de pouvoir réagir à vif. Et tout de suite, il m'a fait germer quand il dit l'entrée est actuellement par le haut. Et j'ai fait la relation avec ce qu'a dit Roderick à propos de son travail dans le secteur de la finance qui est un peu pourri. Et bien, c'est vrai que la porte du haut, elle est pourrie. Et elle est vraiment pourrie, celle qu'on a hein, là-haut. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait donner un coup de pied dedans, on passe à travers, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Et là, c'est une très belle image qui montre que la porte ne peut pas être là. Et si on veut, en fait, si on veut s'élever, il faut bien être en bas pour s'élever. On peut pas se sentir en haut et dire « je vais continuer à m'élever », il faut déjà être en bas pour être sûr. Et si on démarre en bas, ça veut dire qu'en fait, on met de côté aussi toutes les illusions qu'on a eues avant qui nous ont donné l'impression de nous élever nous-mêmes, en gros. C'est-à-dire, je redémarre, et c'est un peu ce que quand je dis retour à la source. Il se trouve que sur ce terrain, la source est en bas. C'est fantastique, en plus. Donc, on revient à la source qui est en bas. On peut faire ses ablutions à cette source qui n'a jamais tari, d'après tous les anciens du secteur, jamais tari. Donc il y a quelque chose d'intéressant à voir. Et cette source, elle est juste en bordure d'un creux que tout le monde appelle la grotte, qui est normalement, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, qui est un emprunt de roche qui a servi à construire la maison qui était à côté. Le remblai en fait qui porte le quai neuf. Hein. Bon, là il y en a qui appellent ça la grotte parce que on s'attend à voir sortir quelque chose de là. C'est un peu magique quand on passe devant, mais il doit se passer quelque chose dedans, là-dedans. Voilà, il y a quelque chose qui interpelle. Fascinant. Claude m'a dit il faut travailler la porte. C'est vrai. Toi qui as lu la Bible, tu as un psaume qui commence par « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». Et donc, c'est important, la porte. Donc, il y a ça à travailler. Ensuite, on est tout en bas. Il va falloir s'élever. S'élever, comment s'élever? Et c'est là, il y a déjà, en fait, je ne sais pas encore. Quand je dis qu'il faut avoir le... on va marcher par la foi, hein, quand on ne sait pas trop où ça va aller. J'ai quelques visions. De temps en temps, tout d'un coup, j'ai dit « Ah, mais c'est ça, bon sang, mais c'est bien sûr. » Un peu comme l'inspecteur, je ne me rappelle plus, là, celui qui était tenu par Raymond Bourg. C'est « Ah, bon sang, mais c'est bien sûr. » Il avait trouvé la réponse à son enquête. Je ne sais pas pourquoi je me protège, parce que finalement, vous êtes derrière les écrans. Ah, ben, t'as raison, parce que ça nous fait du bien. De voir que tu prends soin de nous. Et en plus, j'ai plus rien à vous transmettre, puisque si les anticorps, ça pourrait vous servir éventuellement. Ah. Et donc, il y a des parcours, dans les derniers échanges, notamment sur le chemin, sur. Ces réunions thématiques étaient très chouettes parce que ça a permis d'affiner ce chemin, mais en fait, il a affiné ce chemin dans le jardin. Et ce que tu nous as ouvert, Rodrigue, en tout cas ce que tu m'as ouvert, c'est que pour y arriver à ce jardin, il y a déjà un cheminement. Et là, c'est super. Parce que là, il y a en fait une double voie. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Et cet extérieur, il va falloir le trouver. Et cet extérieur, il peut démarrer de très loin. Toi, tu es en Suisse. Mais en fait, je suis en correspondance avec sept anciens correspondants qui ont mordu à cette idée du jardin, en Grèce, en Espagne, en Turquie, etc., qui disent, et c'est ça qu'il nous faut. Eux, ils sont encore plus loin que toi. Et pourtant, il va falloir qu'ils viennent sur ce chemin. Et là, il y a vraiment une nouvelle voie auquel je n'avais pas pensé. C'est comment venir à ce jardin. Actuellement, au quai, c'est ce qu'ils appellent le quai d'enfer. Parce que, en fait, c'est un passage de voiture qui stationne. C'est moche. C'est super moche. Ça peut être très beau, mais c'est super moche. Donc, il y a quelque chose déjà, rien qu'à proximité. Quand je parlais d'effets collatéraux, en fait, c'est ça. C'est que si on fait quelque chose de merveilleux sur ce jardin, tout le monde trouvera insupportable d'avoir des camions et des voitures collées à ce jardin. Donc c'est un effet collatéral, c'est même pas la peine, de demander à ce qu'on enlève les voitures, ça doit paraître évident pour tout le monde qui vient. C'est, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces voitures ? Ça va paraître évident. Donc il y a des choses qui vont se faire d'elles-mêmes, en fait, qui vont s'ouvrir. Quand je parle beaucoup avec... tout à l'heure, j'avais Ophélie, ma fille, qui a découvert Claude, qui était là. Dans deux jours, je m'en vais de chez elle hein, pour rejoindre Sylvie. Je parle beaucoup de laisser le temps. François Mitterrand disait donner du temps au temps. Moi, dirais, voilà. Il y a des choses qui doivent mûrir, comme les fruits. Dans le jardin merveilleux, dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il est précisé qu'il y avait des saisons avec des fruits ? Enfin, je ne sais pas trop, il ne me semble pas. Hein. Mais chaque arbre porte son fruit à un moment. Et donc, il y a certains fruits qui doivent arriver à certains moments et d'autres qui doivent arriver un peu plus tard. Allons-y. Mais c'est en y croyant. C'est en regardant et en y croyant que ces fruits vont arriver. Et c'est vrai que c'est en y croyant que ces fruits sont arrivés chez moi, de mon côté. Quand j'ai commencé à raisonner en jardin merveilleux, à dire « il faut sortir de là, c'est pas possible, je peux pas continuer », j'ai pu accompagner des gens qui étaient dans une panade folle et les remonter. Et ça, c'était super chouette. Ça, c'était super chouette. Même si, tu vois, Rodrigue, quand tu dis « je suis introverti », il y a des gens qui prient à haute voix. Bon, moi, je ne suis pas tellement dans les gens qui prient à haute voix non plus, ni dans le charismatique, bien que nous l'ayons fréquenté, nous en sommes sortis, comme Claude est sorti de sa franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a du vrai, mais il y a aussi, comme tu disais dans ton bouquin, aussi un peu de n'importe quoi dedans. Et quand on est tout le temps à essayer de faire la part des choses, ça finit par devenir fatigant et usant. Dire, attends, il a dit ça, mais pourquoi ? Parce qu'il a une dent contre moi, ou qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi en fait il se chamaille ? Il y a toujours des trucs comme ça, ça devient presque insupportable. Quoi. Et donc, il y a des choses qui doivent mûrir. Ça ne passe pas aujourd'hui ? Très bien, attendons demain. Et cette attente de demain, elle ne peut se faire que, comme je le disais dans mon petit texte, qu'avec la perspective d'une ascension, c'est-à-dire que demain sera meilleur, et non pas cette courbe en cloche qui dit, une fois que vous êtes passé en retraite, vous êtes dans la courbe descendante jusqu'à la mort, quoi, en gros. C'est énervant, cette courbe en cloche, cette loi de Gauss que tout le monde doit suivre. Alors, paraît-il que c'est celle qui s'adapte le plus à notre vie. Moi, à ce moment-là, je dirais, ça s'adapte à notre société, oui, mais à la vie qu'on pourrait mener. Il y a d'autres modèles qui sont des modèles ascendants. Et ces modèles ascendants sont beaucoup plus intéressants. C'est en cela que, quand j'étais en doctorat de géographie, géologie et géographie, en fait, j'ai découvert un bouquin qui parlait justement de ces modèles mathématiques. Et dans les sciences de la Terre, la courbe de Gauss n'a aucun sens. elle représente rien du tout. Et 2021, c'est l'année de la Terre. Pour moi, c'est l'année thématique sur laquelle je veux travailler sur la Terre. Donc, ça tombe bien. Je m'arrête là parce que je monopolise un peu là. Pas du tout, pas du tout. Alors, ce qui est intéressant là, Rodrigue, en écoutant Philippe, on s'aperçoit qu'il n'a pas encore passé son rite de passage de retraite. Ça veut dire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tout ce que tu nous dis, tu nous parles d'expérience qui t'ont fait souffrir, qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait grandir aussi, parce que la souffrance eh bien, fait grandir, mais tu abandonne tout ça, libère-toi de ton passé qui te plombe pour cheminer vers le jardin. Tant que tu seras à ressasser ton passé, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas rajeunir non plus, mais tu ne vas pas grandir. Il faut qu'on se libère de cette gangue qui nous enveloppe et qui nous fait mal, de cette gangue qui vient peser sur nous à travers notre expérience. Et l'expérience qu'évoque Philippe, il l'a évoqué à plusieurs reprises là, depuis que l'on parle, eh bien, il nous parle de ce qui a été des échecs, que ce qui a été, bon, qui l'ont fait grandir aussi, hein, d'une certaine façon, mais laissons ça de côté. Bon, changeons d'état, changeons de champ de conscience, essayons de nous grandir en essayant de penser différemment. Et maintenant que nous sommes trois, et trois c'est un sacré début d'équilibre, hein. Quand tu n'es que deux, bah, tu es un peu fragile, mais à trois, tu peux faire quelque chose de beaucoup plus stable sur lequel tu peux t'asseoir. Eh bien, profitons du fait que nous soyons trois pour nous grandir, pour changer d'état, pour abandonner tout ce qui nous a plombé et aller vers le merveilleux. Moi, c'est en tout cas comme ça que je ressens notre démarche. Et si vous me le permettez, je pense que à travers l'intervention de Philippe, on pourrait travailler sur notre prochaine réunion, travailler sur le cheminement vers le jardin merveilleux. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bon, on est là. Là aussi, Rodrigue, on échange très librement. Chacun peut proposer un truc. Bon, c'est pas mûr maintenant. Ça va. On va attendre un peu ou on abandonne l'idée. Mais je pense que, à travers tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, eh bien, d'apprendre à cheminer vers le jardin merveilleux devrait nous permettre de dépasser ces champs de conscience, de changer d'état et de gagner un temps fou, quoi. Parce que c'est ça, moi, si je veux progresser, eh bien, il faut que je me libère de tout mon passé et il faut que j'aille vers cet inconnu, mais cet inconnu qui m'aspire. Hein, ça nous aspire, ça. Bon, alors, on ne sait pas bien comment s'y prendre, on ne sait pas bien comment marcher sur ce chemin de crête, mais on est aspiré. Bon, et c'est le divin, pour moi, en tout cas. C'est le divin qui nous aspire, et c'est le divin qu'il nous faut rencontrer. Eh bien, ça, c'est un processus, c'est un cheminement qui va nous permettre de bien évoluer et de nous marier avec la nature du jardin, mais de nous marier avec le divin et avec le sacré auquel j'aspire de rentrer dans cette ultime destination que je souhaite la plus tardive, mais qui sera inéluctable. Je suis tout à fait d'accord avec ce thème, en tout cas. Rodrigue, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, alors, je vois, quand je regarde Philippe, je vois qu'il a fait un magnifique cheminement. Et quand je pense à moi-même, je ne suis pas encore vraiment, puisque, pour le dire tout bêtement, on a travaillé toute sa vie, on a certaines compétences, on a un réseau, on peut faire des choses puisqu'on est encore avec les deux pieds dans la vie réelle. Mmh. Quand je regarde Philippe, il a fait des magnifiques choses. Quand tout ce que tu m'as émunéré, les choses que tu as faites pour les autres, ça m'a beaucoup impressionné. Donc, c'était un vrai cadeau pour les autres, ce que tu as fait. Et faire son deuil de sa vie professionnelle, comme faire le deuil de, dans mon cas, des parents qui sont décédés il y a quelques années, je me demande si c'est faisable, si c'est faisable. J'ai encore beaucoup de peine avec ça. Faire le deuil de mes parents, ça c'est encore très vivant, c'est une blessure ouverte. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais faire le deuil de son travail, on construit quelque chose et en fait, on est demandé de tout casser pour complètement tourner la page. Et ce n'est pas rien. Et je vais dans la bonne direction, mais j'y arrive pas. Comme Philippe a dit, c'est un processus, un cheminement. Et j'avoue ici ma faiblesse ou mon côté arriéré par rapport à vous deux. Mais ce cheminement, je viens de mettre les premiers pas. Et donc, je dois essayer de vous rattraper. Mais il y a quelque chose, un autre point que je trouve très beau, ce que Philippe a dit, c'est le côté très symbolique de la source en bas, de l'entrée du haut. Les symboles m'impressionnent beaucoup ce que tu m'as dit, Philippe, et c'est très beau, très parlant, c'est très fort, et c'est d'une telle simplicité que c'est encore plus fort, et je vois le côté, ce qui est tellement important, c'est ce côté pratique. Donc, on n'est pas un think tank, hein, on n'est pas là pour réfléchir, mais il y a du concret qui doit être fait aussi. Et ça me parle aussi beaucoup. L'un et l'autre sont importants. Mais Claude, apparemment, toi, tu vas nettement plus loin, et je t'admire pour ça, puisqu'il fallait oser pour ça. Il faut oser pour faire ce cheminement, et pour moi, c'est très inspirant. C'est un très bel exemple. Évidemment, toi, tu dois aussi avoir des moments où tu penses au passé, comme ça. Mais je peux vous dire que je fais mon cheminement. Un tout petit titre d'exemple, j'étais membre d'un ordre, un peu comme les francs-maçons, mais ça ressemble peut-être un peu, qui s'appelle l'ordre Saint-Jean. C'est la version protestante de l'ordre de Malte. Or, j'ai vu que c'était si peu inspirant, si snob, si on donnait si peu, on était là surtout pour je ne sais pas quoi, que j'y suis sorti, ce qu'on m'a beaucoup reproché, puisque pour beaucoup de personnes, c'est l'objectif ultime où il faut arriver, etc. Mais on voit que je regrette de le dire, je ne sais pas si vous êtes membre de ces ordres-là, mais pour moi, c'était très, très creux. Et je me sens beaucoup mieux depuis que j'y suis sorti. Mmh. Ça fait partie du deuil que je suis en train de faire. Je nettoie. Et la chose la plus difficile, je ne sais pas comment vous voyez les choses, c'est avec les personnes autour de vous. Puisqu'il y a des personnes que je trouve ça très difficile, mais que j'arrive plus à vouloir voir dans le futur. C'était peut-être des gens très sympas ou bien ou compétents dans le passé. Mais au niveau des contacts, ce nettoyage, ça, c'est pas évident. Je le fais en douceur pour que les personnes mêmes ne se sentent pas offusquées. Mais Philippe, avec la grande famille que nous avons, c'est là aussi, il y a des personnes de qui je me distancie tranquillement. Et c'est bon. C'est là aussi. Donc, de mon côté, c'est tout un cheminement. J'y ai commencé, mais je ne suis pas encore aussi loin que toi, Claude, ni que toi, Philippe. Et il faut que vous m'inspiriez davantage, vous me donnez quelques trucs pour accélérer le processus, si vous êtes d'accord. Ben, en fait, Rodrigue, tu es rentré dans le thème, déjà. Rien qu'en parlant de ça, en fait, tu es sur un chemin vers le jardin merveilleux et tu as ouvert le thème. C'est toi qui l'as proposé, quasiment, tout à l'heure, ah, tu as présenté. Non, non, ça, c'est toi, Philippe. Non. Là, c'est toi qui m'as ouvert l'esprit sur cette idée de cheminement et elle est d'autant plus importante que... Bon, Claude le sait aussi, je ne sais pas si je te l'ai dit, y avait ces trois anciens propriétaires. Ces anciens propriétaires, en fait, ont hérité, ce sont des héritiers, de ce terrain, que j'ai, terrain sur lequel je suis venu il y a plus de 40 ans et sur lequel j'avais vu et le grand-père et le père travailler dans leur champ de pommes de terre. Et je trouvais qu'il était très chouette, ce terrain, déjà à l'époque. J'avais 19 ans, c'était une escale pour nous qu'aurait sur une croisière que je faisais avec les Glénans. Voilà. Et en fait, ce terrain est devenu un sujet de discorde pour les trois enfants qui ne peuvent plus se voir. Et tu vois, quand tu me parles de ta difficulté à voir des gens dans le futur, tu vois, ça me fait penser à eux. C'est-à-dire, ils sont frères et sœurs, ils se sont séparés, ils sont tous les trois d'accord avec le projet de Jardin Merveilleux, mais ils ne peuvent toujours pas se parler. C'est assez fantastique. Et donc, ça rejoint cette idée de cheminement vers le Jardin Merveilleux. Ce Jardin Merveilleux, ça va être... la possibilité de parler, justement, de pouvoir se reparler l'un avec l'autre. Voilà, en fait, et chacun, en fait, quand j'ai rencontré, même quand on a fait, il y a plusieurs articles qui sont sortis dans Ouest France, et à la suite de ces articles, il y a des gens qui sont venus. Mais toutes ces personnes, en fait, ont un cheminement différent, et tous ont un boulet, en fait. Il y a quelque chose, et ce sont des boulets différents. Avec Claude me disait, il y a un accompagnement qui est quasiment personnalisé, parce que, comme tu dis, là, tu le révèles à nous, parce qu'on n'est que trois, on est ensemble, on a confiance les uns dans les autres. Les autres, en fait, le gardent pour eux. Et c'est ce cheminement qui va faire venir vers le jardin merveilleux. Il y a ce cheminement à penser. Et tu viens de rentrer dans le sujet. Ça, c'est super. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce qu'en fait, il m'interpelle parce que en fait, tout le monde ne se précipite pas vers le jardin merveilleux. Ça veut dire qu'il y a un chemin à faire pour y arriver. Pour concevoir un jardin merveilleux, il y a forcément un chemin. Avant même de rentrer. Quand tu disais, je ne suis pas à votre niveau, non ? Il n'y a pas une question de niveau. C'est qu'en fait, il y a un chemin, il y a un cheminement à faire. On peut t'aider à le faire, comme on peut aider en fait toutes ces personnes qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai Stéphane, par exemple, qui est venu me donner un coup de main qui m'a aidé à couper des arbres, des trucs comme ça. Lui, il n'est pas du tout dans le domaine spirituel. Il y a un cheminement à faire. Il vient de se reproposer pour aller un peu plus loin. J'ai vu dans le dernier mail qu'il m'a envoyé qu'il avait fait déjà un, voire deux pas vers le côté symbolique du jardin. Il dit, ah, ça y est, ça démarre, c'est chouette. En fait, tous ceux qui en fait se sont proposés ont révélé quelque chose qui n'était pas... en même temps de leur envie et en même temps de leur de la chaîne qui les retient, en fait. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je trouve le sujet que tu as abordé et qui m'a, je dirais, c'est une révélation pour moi avec ce travail à trois. C'est ça. C'est ce cheminement vers le jardin merveilleux. S'il n'y a personne à l'entrée pour rentrer, Claude, tu as vu le triptyque ? Le triptyque, le tableau du haut. Alors, et, bon, tu l'as peut-être pas, Rodrigue, il faudra que je te l'envoie. Le tableau du milieu représente un mur avec derrière le jardin d'Éden, quasiment, hein, et avec dans cette muraille qui nous sépare du jardin d'Éden, une porte entrouverte. La porte est entrouverte, et avant cette porte, en fait, il y a des personnes qui vaquent à droite, à gauche, plus indigents ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui pousse avant le jardin d'Éden. De derrière la porte, ça, c'est luxuriant, ça dépasse de la muraille. Et c'est un peu ça. On se posait la question avec Claude, la dernière fois qu'on discutait sur ce truc-là, c'est pourquoi il y a des gens qui restent devant la muraille ? Pourquoi ils n'entrent pas ? La porte est ouverte. Il y a quelque chose quand même. Pourquoi ils n'entrent pas ? Ah, ah, oui. On est resté sur cette interrogation. Un truc comme ça, on dirait on se précipite. Et là, non. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors voilà, il y a un cheminement. Il y a ce cheminement à peut-être à voir. Alors, si je peux intervenir, oui. Philippe ? Oui. Ouais. Je crois, et pour reprendre le mot de deuil employé par Rodrick, je crois que le deuil n'est pas suffisant pour changer d'état. Il faut mettre un peu plus de combustible dans la fusée pour qu'elle s'envole. Le deuil, c'est l'abandon d'un certain nombre de choses. C'est l'abandon d'idées, c'est l'abandon de personnes, c'est l'abandon de... Pour moi, le deuil terrestre est plus complexe psychologiquement que le changement d'état spirituel. Le changement d'état spirituel permet de passer de la psychologie à la spiritualité. Et je pense qu'il faut abandonner ce deuil pour changer d'état. Mais on ne peut pas être avant d'avoir été. Notre passé nous conditionne, notre passé nous enferme dans une logique pour certains implacable. Et c'est pour ça que le cheminement vers le jardin merveilleux permet d'abandonner toute cette gang, hein, encore une fois, qui nous enveloppe, pour aller à l'essentiel de nous, c'est-à-dire à notre esprit. Hein. Le deuil, c'est le corps, la tête, c'est notre esprit, et c'est notre esprit qui va nous permettre de rejoindre le merveilleux. Voilà, mais... hein, tu comprends ce que je veux dire ? Et tu vas t'apercevoir que c'est... À force de pratiquer un peu, c'est relativement simple. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Siddhartha. Tu sais qui était Siddhartha ? Non, non, non. Hein ? C'est une personne dans l'Inde, je crois. Oui, Siddhartha était un roi indien. De mémoire, hein, je peux me tromper, et puis ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière les mots. Siddhartha était un roi de l'Inde et ce roi de l'Inde a abandonné son royaume pour se consacrer à lui-même et pour grandir en Bouddha. Et il a fait ce basculement, ce tête-à-queue qui est nécessaire pour qu'on puisse changer d'état et passer de l'opératif au spéculatif. Et Siddhartha, de mémoire, est devenu Bouddha. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le Bouddha, dans les représentations que l'on peut en avoir? Eh bien, c'est le Bouddha est représenté comme gros. Hein, c'est souvent un gros monsieur. Pourquoi il est gros? Eh bien, parce qu'il absorbe toute cette gangue terrestre pour permettre à l'homme de s'épurer. Ah oui. Tu vois? Et ça, c'est un cheminement formidable, extrêmement complexe quand tu rentres un petit peu dans tout ça, dans le détail. Mais si tu restes comme je le fais, parce que c'est pour moi plus simple, pour transmettre, pour transmettre ce message et dire que voilà, Bouddha, un roi très puissant, a abandonné son trône pour aller sous un arbre qui était un arbre comment c'était l'arbre, Philippe, t'as oublié, c'est pas grave, sorte d'arbre, l'arbre de vie, oui, voilà, pour aller sur l'arbre de vie, excusez-moi, et là, eh bien, se retrouver inspiré et un peu comme le Christ qui monte en croix et qui est obligé de se sacrifier pour permettre à l'humanité de se racheter. C'est un des grands symboles magnifiques de nos religions, hein, peu importe. Et ça, je pense que c'est des cheminements vers le merveilleux, bon, mais des cheminements dont on est incapable. Mais c'est pour te rassurer, Rodrigue, et te dire que ce deuil que tu as du mal, et c'est la première chose que tu as évoquée avec nous, hein, parler de ce deuil. Hein, dans les premiers mots que tu n'employais pas le mot deuil, mais on sentait que c'était compliqué, quoi. Et ça, eh bien, c'est un tremplin, le Jardin Merveilleux est un magnifique tremplin pour abandonner tout ça, tout en sachant que ça nous appartient, qu'on s'est construit avec notre passé, mais que cette construction passée va nous mettre sur une sorte de tremplin vers un avenir merveilleux. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais, magnifique, très clair. Hein, oui. C'est clair. Bon. Très, très clair. Voilà, presque 2 heures qu'on parle ensemble. Je ne sais pas si vous avez envie d'arrêter là, de continuer. J'aurais peut-être encore une toute petite réflexion, mais c'est plutôt humoristique. J'ai rencontré une fois un psychiatre qui racontait une courte histoire aux personnes qu'il rencontrait. Alors il demandait aux personnes, il disait, suppose que tu te promènes et que tu viens tout près d'un magnifique jardin, comment est-ce que tu vois ce jardin de l'extérieur? Alors, il reçoit des réponses. Ensuite, il te dit, tu continues, tu fais le tour du jardin. Quelle est la forme de ce jardin? Alors, il a des réponses. Et ensuite, il dit, à un certain moment, on arrive à un lieu où on peut entrer dans le jardin. Ça peut être une porte, une grille, ça peut être tout fait ouvert, etc. Et ensuite, si c'est une porte, comment tu vois la clé de cette porte ou de cette grille? Et ensuite, il disait, alors tu entres dans le jardin et tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux tout voir dans le jardin en un coup? Où est-ce qu'il y a des parties qui sont cachées? Comment ça se présente? Et la dernière question cette personne reçoit la possibilité de mettre une vase, quelque part, une belle vase, comme ça en pierre ou en porcelaine, c'est égal. Et où est-ce qu'il faut la mettre dans le jardin? Une très belle vase. Et si on le met quelque part, est-ce qu'il faut un socle ou pas? l'histoire se termine là. Ensuite, la personne a donné toutes ses réponses. Et en fait, ce psychiatre a dit, la première question, quand quelqu'un s'approche d'un beau jardin, qui voit de l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comment il se voit lui-même depuis l'extérieur, comment il pense qu'on lui voit de l'extérieur. Alors, il y a des jardins avec des murs, il y a une toute petite haie, il y a rien du tout, tout est ouvert. Donc, la vue que la personne souhaite que les autres, les tiers, ont sur lui, c'est l'extérieur du jardin. Ensuite, la forme, si c'est erratique, c'est une personne qui n'est peut-être pas très très structurée, et plus que c'est logique, plus que ça démontre que c'est une personne un peu plus organisée. Et ensuite, on vient à la porte, et la porte, c'est la capacité pour quelqu'un d'entrer dans le jardin, puisque le jardin est considéré comme la personne, hein, donc. Donc, il y a des personnes qui se barricadent, où il y a des grandes grilles, il y a des grandes portes, il y a d'autres où il y a une toute petite porte en bois, enfin, tout est possible. Et la façon comme on peut entrer dans le jardin, c'est aussi, oui, comme pour moi, le cheminement vers le jardin merveilleux, c'est comment le monde extérieur voit cette personne. Et ensuite, la description de la clé, c'est la personne même. Donc, si c'est une vieille clé rouée ou une clé en or, ou une grosse clé ou une toute petite clé, ça c'est comment la personne se voit elle-même. Ensuite, on entre dans le jardin et on voit s'il y a des parties qui sont cachées dans une personnalité ou si quelqu'un est transparent et qu'on voit tout. Et puis, la vase, c'est le partenaire de la personne. C'est son épouse, enfin pour une femme, c'est pour son époux ou copain ou j'en sais rien. Et naturellement, la place dans le jardin est importante. Il y en a qui disent c'est au milieu du jardin, d'autres qui disent c'est à gauche dans un coin. J'aime pas trop les vases. Et puis en plus, il y a la possibilité de mettre la vase dans une partie du jardin qu'on ne voit pas quand on entre dans le jardin. Enfin, c'est la place du partenaire de la personne. Et s'il y a un socle, ça veut dire qu'on met cette personne sur un socle, le partenaire, ou s'il n'y a pas de socle, si c'est par terre, ça veut dire qu'on ne met pas de socle. Enfin, j'ai trouvé cette histoire assez bizarre, un peu simpliste. Quand on la connaît un peu, on peut manipuler cette histoire et les réponses. Mais ça m'a quand même toujours fait réfléchir un peu de ce jardin que la personne qu'on rencontre, comment cette personne conçoit lui-même, comment il voit lui-même, c'est comme s'il décrit lui-même, en fait. Le jardin, c'est nous, Roderick. Pardon ? Le jardin, c'est nous. Ah, voilà. Nous sommes le jardin. Bon, c'est bien ce que tu disais. Je vois que tu es attaché au symbole. C'est bien de parler avec des symboles, c'est bien parce que c'est des chemins sur lesquels on peut se retrouver plus facilement, et oui. La symbolique est quelque chose qui m'est très cher à titre personnel. Bon, et je vois ça fait réfléchir un peu. Ah, complètement. On peut être déçu dans des personnes à qui on raconte cette histoire et on écoute les réponses. Et j'avais comme ça un copain qui avait sa femme comme une grande vase en béton par terre, chez derrière dans le jardin. Enfin, pour dire, il ne faut pas être étonné d'avoir des drôles de réponses. Et là, et comme tout par hasard, la femme de cette personne était très lourde et un peu compliquée, donc on la voyait peu. Donc il y a un peu de vérité là-dedans, mais c'est un petit peu du café du commerce, hein, excuse-moi. Mais cette description du jardin, c'est ce que... Maintenant, ce jardin, ce n'est pas lié à une personne, mais c'est lié à quelques personnes, et j'espère beaucoup de personnes, qui vont façonner ce jardin. Et c'est pour ça, Philippe, tes symboles, le côté symbolique, c'est très fort. C'est aussi très fort pour convaincre. C'est très beau aussi. C'est Claude. Personne, mais en général, c'est... Ça commence à vivre chez certains. En tout cas, chez moi, ça m'a tout de suite fait tilt, le côté symbolique. C'est Claude qui m'a introduit à l'importance de la symbolique dans ce jardin. Oui. Je dirais que je pratique un peu la symbolique de façon, j'allais dire, naturelle, sans le savoir. C'est-à-dire que c'est plutôt la symbolique, c'est dans les assemblages que l'on peut faire. Quand tu vois quelque chose, tu dis « Ah, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça, ça me rappelle texte, c'est... » Voilà, c'est là qu'on retombe sur la symbolique, et comme par hasard, cette symbolique, elle existe déjà. J'ai acheté sur la demande de... sur l'indication de Claude, le dictionnaire des symboles, que j'ai trouvé sur le bon coin. Hein. et ça m'aide. Bien. Les amis, pour ma part, je vais devoir vous quitter. Je pense que... On se fixe un rendez-vous ? On va se fixer un rendez-vous. Et puis, moi, je voulais te remercier, Rodrigue. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi de m'accepter avec toutes mes faiblesses et tout mon côté... où j'ai encore un peu de retard. Non, il n'y a pas de retard. Là, je t'arrête, Philippe, tu as déjà arrêté, il n'y a pas de retard. Le tout, c'est que nous soyons ensemble. Lorsqu'on communie, comme on l'a fait là maintenant, tu n'es pas en retard sur nous on n'est pas en avance sur toi, on est ensemble. Et on partage, une certaine spiritualité sur laquelle on va, grâce à laquelle on va cheminer. Pas de soucis, il n'y a pas de retard. C'est sympa. Mais je vois quand même que vous avez pris une bonne vitesse de croisière, et c'est ça qui est magnifique, et c'est très inspirant aussi. Mais tu vas vite nous rejoindre, et c'est pour ça que le cheminement va, tu vas voir, ça va nous mettre tout de suite à même niveau. Alors, quand est-ce qu'on se revoit ? Dites-moi. Moi, je n'ai pas de contraintes particulières. Je serai à Strasbourg. Jeudi, oui. Ça serait bien, jeudi, pour toi, Rodrigue ? Jeudi, ça irait très bien, oui. Bon, alors, jeudi 15h, ça te va ? Jeudi 10, oui, pardon, excusez-moi. Jeudi 10 à 15h. Oui. D'accord ? Là... 15. On se retrouve sur Skype. Ce que je te demanderai, Rodrigue, c'est que tu ouvres ton logiciel Skype. Qu'est-ce que tu as comme ordinateur ? J'ai un iPad de Apple. D'accord. Un iPad. Ah oui, c'est bon ça. iPad n'est pas tout à fait marié avec Windows qui sur lequel s'appuie Skype, hein ? Je vois qu'on a réussi. Par contre, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve vers 14h55, le temps d'ajuster nos ordinateurs et qu'on n'ait pas à se courir après. Mais t'inquiète pas, c'est à chaque fois la même chose. Mais il faut un peu d'expérience et ça ira mieux. Alors, donc, nous nous retrouvons le 10 décembre à 15h pour parler du cheminement vers le jardin merveilleux. Alors, pour te mettre très à l'aise, Rodrigue, chacun fait ça comme il le sent, quoi. Il faut que ça vienne du cœur, c'est pas une somme de connaissances. hein, il faut que, le message passe bien entre nous. Et on fait ça soit à partir d'une planche bien construite, etc., comme on le sent, ou soit à partir de notes. De toute façon, on a un secrétaire de séance, un garçon merveilleux qui s'appelle Philippe Westphal, qui prend des notes toute la journée. Il a tout noté. Hein, Philippe, t'as tout noté ? Non. T'as pas tout noté ? Oh, ben alors, tu vas faire des progrès. Bon, c'est notre secrétaire, il fait ça très bien. Alors, lui, pour l'écrit, moi, je parle parfois beaucoup, parfois un peu trop même, mais je note rien, mais tout ça, c'est de la transmission un petit peu ésotérique, c'est le fait de surfer sur une vague merveilleuse, et je pense qu'elle va vite nous amener au chemin du jardin à Auray. Hein? Mais c'est un très, très plaisir. Merci infiniment. Merci pour ce beau moment. Il y a beaucoup à réfléchir. J'ai pris beaucoup de notes. Donc Bon, ben alors ça va. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que la planche que l'on fait en lecture, elle dure une dizaine de minutes. Hein, voilà pour... Hein, c'est à peu près ça, Philippe. Oui. Hein? En fait, je fais un compte-rendu. Je prends sur le même, le même fichier, et je mets chapitre par chapitre, tout simplement. Et ce que je note, alors c'est là que ça peut être intéressant pour vous et pour nous. En fait, ce sont les choses qui m'ont marqué. Je ne prends pas ça comme une secrétaire où il faut tout prendre, parce que je suis incapable de faire ça, et d'intégrer en même temps, c'est-à-dire de me laisser interpeller, et je veux me laisser interpeller par ce que vous dites, donc je ne peux pas tout noter. C'est normal, et c'est bien. Donc, quand vous allez recevoir ces notes, vous allez recevoir en fait ce qui m'a marqué, au milieu de pas mal de textes. Et dans ces notes, il y a, par exemple, quand tu dis, Claude, que chacun fait comme il le veut, Claude, par exemple, m'a envoyé par deux fois un tableau, une photo d'un tableau qu'il avait marqué et qui s'intégrait bien dans le sujet, le thème de la fois suivante. Voilà, c'était sa façon, en fait, d'introduire. Il l'a introduit deux jours après la semaine précédente, ce qui fait que ça m'a permis de les étudier, de les regarder dans le détail, et c'est très inspirant. Voilà. Donc vraiment c'est très libre, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Formidable. Bon. Formidable. Allez, on va se quitter, passez plein de bon temps, et puis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Allez. Oui. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Claude. Au revoir. Philippe. Philippe. Je crois qu'il a raccroché. Philippe ? Allô ? Non, je crois qu'il a raccroché. Tu veux lui parler ? Rappelle-le. Ah, mais t'as raccroché aussi. Voilà. Bon.